s'avance une fille de rêve, ondulant du haut en bas. Mais avant qu'elle n'achève de faire glisser ses bas, patatras, j'entends qu'à 40, la météo qui déchante dans mon sommeil. Tous les matins, c'est pareil, radio réveil. Tu me casses les oreilles. Hier j'étais milliardaire au soleil loin de Paris, tout bronzé là, l'allure fière, je roulais en Ferrari. Patatras, j'entends le CAC 40, la météo qui déchante dans mon sommeil. Tous les matins c'est pareil, radio réveil, tu me ruines une merveille. Le tonnerre d'un orchestre symphonique, je faisais pleurer la terre aux couleurs de ma musique. Patatras, j'entends le CAC 40, la météo qui déchante dans mon sommeil. Tous les matins c'est pareil, radio réveil, tu dissipes une merveille. Radio réveil, me casse les oreilles. Radio réveil, tu dissipes une merveille.